Toute l'équipe de Jean Dumas Hyundai souhaite joyeux Noël et bonne année à toute sa clientèle et à la population. Et pour vos différents besoins de véhicules neufs ou usagés, l'équipe de Jean Dumas Hyundai de Saint-Félicien vous conseillera avec le même professionnalisme et le sourire pendant la prochaine année. Jean Dumas Hyundai, 700 boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, 88-679-4775. Et n'oubliez pas de visiter notre page Facebook pour nos nombreux spéciaux et les nouveautés dans les voitures d'occasion. L'entreprise Usinage HB Numérique connaît une croissance intéressante, située au 210 rue Beauchamp à Doulbeau-Mistassini. Les propriétaires M. Hermel Bugeaud, Vincent Girard et Pierre Thoriot viennent d'investir une somme importante de 300 000 $ pour l'achat d'équipements à la fine pointe de la technologie et qui permettra de satisfaire davantage sa clientèle. Toute notre équipe souhaite de joyeuses fêtes à la population et vous invite à la grande prudence. Ce sont les vœux de la direction d'Usinage Numérique HB au numéro de téléphone 418-239-0827. Chez Dolbeau Auto, on célèbre le temps des fêtes en grand avec le Silverado 1500 à 0% sur 72 mois et un rabais de 7000 $ en valeur totale. Le Sierra 2019 à 0% sur 72 mois. Monsieur Stéphane Fortin et tout le personnel de chez Dolbeau Auto souhaitent de joyeuses fêtes et une bonne année à toute la population et vous invite à la prudence pendant cette période. Dolbeau Auto, 1770 boulevard Wahlberg, Doulbeau-Mistassini, 418-276-0580. En ce temps des fêtes, le moment est vraiment propice pour penser aux gens qui font notre succès. Le propriétaire de Remorque 2000, M. Daniel Deschênes, et tout son personnel désirent remercier sa distinguée clientèle et profitent de l'occasion pour souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Pour tout besoin en remorque, c'est l'équipe de Remorque 2000 qu'il faut contacter, la référence au Saguenay-Saint-Jean dans ce domaine. Remorque 2000 au 643 rue Dequin à Doulbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-9383. La saison maintenant, on va parler plutôt de la série NASCAR et de la course automobile en général avec notre ami Patrick Carpentier, c'est la revue de l'année. Salut Patrick! Salut, ça va bien? Ça va bien. Patrick, l'année 2019, on va commencer par le NASCAR, puis on va aller à la F1. Comment t'as vu ça? C'était une saison où que ça a été remporté par Kurt Busch. Oui, écoute, toute une... Kyle Busch, tu veux dire. Kyle Busch, oui. Ben oui, c'est ça, le frère de l'autre. Mais ouais. Écoute, ça a été une bonne saison. Écoute, avec les changements que NASCAR ont fait au niveau de la aérodynamique, ça a été un succès parce que les voitures pouvaient se suivre de beaucoup plus près, se dépasser. Le premier qui est en avant se sauvait peut-être... un peu moins, donc ça a rapproché le peloton, même, je dirais, donner des chances à des équipes peut-être un peu moins fortunées. Fait que de ce côté-là, ça a été une super saison. Évidemment, NASCAR travaille toujours, comme tous les sports, à ramener le monde dans les estrades. C'est la bagarre générale, on dirait, de tous les types de sports, incluant F1, NASCAR et tout. Mais cette année, ça a été bon. Ils ont eu une augmentation des cotes d'écoute du côté des États-Unis. Fait que ça, c'est quand même. Est-ce qu'on aurait dû c'est un peu pour ça que j'avais décroché un peu de la NASCAR, les courses de 4 heures le moins possible. Est-ce qu'on aurait dû de ce côté-là aussi, là? Ben écoute, on en parle. Je suis pas certain que ça va se produire. 2021 va être la saison des gros changements comme la F1 ou l'accord de la Concorde se termine, là. Mais sauf que je ne sais pas si on va diminuer la longueur des courses. Moi, j'ai toujours été du même avis que toi que les courses sont assez longues. Quoique cette année, avec l'ajout des segments depuis quelques années, de la façon dont on le fait, c'est beaucoup moins ennuyeux, beaucoup plus compétitif. Par contre, honnêtement, je pense qu'il faudrait travailler là-dessus, peut-être baisser un peu la longueur. Ben, mais là, 2h30 maximum, là, tu sais. Maximum 2h30. Oui, exactement. Ouais. Oui, exactement. Tu sais, le Daytona, le Brickyard, Coca-Cola 100, ça, j'ai pas de trouble, je comprends ça. T'sais, mais le reste des courses, quand t'as un 500 000 à Dover ou à Pocono, c'est quoi ça, l'autre, là. Oui. Joey Logano, c'est lui qui avait remporté 2018, a fini cinquième, donc le meilleur pilote des autres. Est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne année dans son cas? Oui, c'est une bonne année du côté de Joey Logano. Il s'attendait peut-être un peu plus. Penske, qui était hyper rapide, surtout Keselowski, au début des séries éliminatoires. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Là, on a eu de la difficulté au niveau des performances à la fin. Puis Penske, quand on est arrivé à Homestead... ça fonctionnait plus du tout. Sauf que l'an prochain, ben écoute, ça sera pas peut-être que ça va se passer. Ça va être à Phoenix en Arizona, un plus petit ovale. Ouais. J'espère que NASCAR vont trouver la façon de rendre ça un peu plus compétitif. Parce que les petits ovales cette année, ça n'a pas été nécessairement l'endroit les plus compétitifs. OK. Jimmy Johnson, qui a annoncé sa retraite après la prochaine année. Jimmy Johnson, quoi, il y a 5 titres, 6 titres, Jimmy Johnson de NASCAR à peu près. Lui a fait 7 titres, ouais. Titres a fini quand même. A fini quand même à position, je regarde ça, il a fini très loin, il a fini 18e. Est-ce qu'on peut dire qu'il est sur une pente descendante? Il sera-t-il c'est parce qu'il est sur une pente descendante ou c'est la voiture qui était plus ou moins compétitive? Ben, je pense que la relation entre le pilote et son chef d'équipe fonctionnait plus avec Chad Knaus. Puis lui, il y avait un gars qui était avec lui avant, depuis le début de sa carrière, restant en appartement ensemble. Son nom m'échappe, c'était son ingénieur, qui a quitté il y a 2 ans. Lui, il a décidé qu'il arrêtait. Ça faisait 18 ans, je pense, qu'il était avec Jimmy Johnson. Puis on dit que la relation, les setups, la façon d'ajuster la voiture venait beaucoup de ce gars-là. De Chad Knaus aussi. Mais ce gars-là avait une relation assez spéciale avec Jimmy Johnson, puis il était là quand Jimmy a été chercher ses 7 championnats. Puis depuis que lui est plus là, c'est beaucoup plus difficile, même si Chad Knaus est resté. J'ai toujours eu l'impression que la relation entre lui et Knaus a été difficile depuis le début, d'ailleurs. Souvent, Hendrick les a assis ensemble pour que ça fonctionne, mais ce gars-là était comme le médium entre les deux. Puis quelqu'un qui réussissait à faire balancer tout ça. T'sais. Puis j'ai l'impression depuis qu'il est parti, ça a été beaucoup plus difficile là, même avec Chad Knaus. Est-ce que la NASCAR a quand même réussi le virage? Dale Earnhardt était parti, et il y a eu quand même plusieurs gros noms de partis au cours des dernières années. Carl Edwards est parti également. Donc, on a vraiment des jeunes vedettes. Est-ce que Joey Logano, Reed Larson et ainsi de suite ont réussi à bien faire le travail? Oui, ils ont bien fait le travail, mais ils sont pas encore à la hauteur des gars qui ont plus d'expérience. Tu sais, je regarde Harvick à 42-43 ans. Là, pour Harvick, Martin Truex, Kyle Busch, c'est vraiment les gars qui ont beaucoup, beaucoup d'expérience qui réussissent. Les jeunes, que ce soit Eric Jones, que ce soit Will Byron, que ce soit Alex Bowman, tous les jeunes qui ont rentré, on s'attendait à ce qu'ils allaient rivaliser puis tasser les vieux de la vieille, comme on dit, mais NASCAR, c'est pas comme les autres séries. Une voiture NASCAR est très difficile à piloter de 1. Pas beaucoup d'aide au niveau de la technologie, puis pas beaucoup d'aide aussi pour les ingénieurs. Quand la voiture est sur le circuit, c'est pas informatisé comme une F1, mettons. Donc, le feedback vient pratiquement tout du pilote. Fait que plus t'as d'expérience, plus t'es rapide, les circuits changent, les courses sont longues, le soleil descend, la température change. Faut vraiment qu'ils prévoient puis ajuster les voitures, tu sais. Puis il y a beaucoup de circuits différents. Fait que c'est là, je pense que les jeunes, ça prend des années à apprendre. OK. Donc, c'est quand même une bonne année. Tu l'as mentionné d'entrée de jeu. C'est une, les augmentations des codes d'écoute. Encore de la difficulté à avoir. Il y a moins de monde, mais il y a moins. Mais c'est dans tous les sports professionnels, là. C'est pas un cas de NASCAR, là, de ce côté-là, là. Ah, c'est partout. Basketball. J'écoutais, je regardais les codes d'écoute du football américain qui est hyper populaire. À part le Super Bowl, qui est plein à craquer tout le temps, ou le college football. Pendant la saison régulière, il y a beaucoup de baisse de côté. C'est vraiment généralisé dans tous les sports. OK. F1, Lance Stroll. Moi, peux-tu dire on peut-tu dire maintenant que sa place en F1? Je sais pas. T'sais, honnêtement, là, c'est difficile. T'sais, il s'est fait manger par Sergio Perez, son coéquipier. Je pense que Stroll, en course, il n'y a pas de problème, mais c'est en qualification, puis c'est ça sa grosse difficulté, là. Ben, c'est souvent en qualification qu'on fait une carrière, on la fait pas, surtout aujourd'hui, c'est hyper important. Les F1, on sait qu'ils travaillent là-dessus, eux autres aussi, pour 2021, pour justement, on a vu la voiture là, qui est sortie un peu partout sur Internet pour 2021, pour que les voitures soient plus faciles de se dépasser ou d'approcher les autres voitures. Donc, la qualif est toujours hyper importante. Tu sais, sauf que moi, je vais être honnête avec toi, j'ai pas... Il y n'y a pas eu d'éclat. Je suis pas impressionné. Une couple de reprises, il a fini en avant là, dans le top 5. Mais sauf qu'à part de ça, je te dirais que Perez m'a plus plus impressionné. Puis il n'est pas à son premier coéquipier. Ça fait que ça fait pas beaucoup de vagues. T'sais, mettons que c'est pas la même histoire que quand Jacques Villeneuve est allé avec des meilleures équipes aussi. Sauf que si tu es dans une moins bonne équipe, tu dois aussi performer puis aussi battre ton coéquipier. Puis comme tu dis, peut-être Lance, c'est hyper talentueux en course, mais il doit travailler absolument au niveau de la qualification. Ouais, je parlais avec Bertrand Godin lorsque Jean Pagé est décédé l'autre jour, puis je parlais en dehors des ondes parce qu'on avait un hommage à Jean Pagé. Bertrand travaillait beaucoup avec Jean Pagé, mais je parlais de Lance Stroll, puis il me racontait que peut-être qu'il aurait dû rester une année de plus. Est-ce que tu es d'accord avec toi? En F3, Oui et non, parce qu'il dominait pas mal la classe de F3. Je regarde chez Ferrari, Leclerc qui est arrivé. Mm. Écoute, méchante machine, le gars, pareil. Je regarde Verstappen quand il est arrivé, méchante machine aussi. Il y a des façons de faire, il y a des pilotes agressifs, il y a des pilotes que ça prend plus de temps apprivoiser la F1, tu sais. Je pense que Lance, c'est peut-être un peu plus de ce type-là, que ça prend un peu plus de temps à apprivoiser la F1 qu'un Leclerc ou qu'un un Verstappen ou un pilote hyper talentueux de cette façon-là. Tu sais, même Grosjean, quand il est arrivé, il a brassé des affaires en partant, tu sais. Fait que c'est... Je pense pas qu'une année de plus aurait changé grand-chose, honnêtement, parce qu'il y avait tellement de la bonne équipement. On le protégeait beaucoup aussi. Donc, c'est pas la réalité. C'est quand tu arrives en F1, là, tu tombes plus dans la réalité. OK. Lewis Hamilton, c'est une année incroyable encore pour lui. Est-ce qu'il va rattraper Schumacher pour le nombre de victoires? Sûrement, hein? Ben, si ça reste comme ça, écoute, il reste 2 ans. En 2021, où la réglementation a changé au bout, je vois pas Mercedes tomber 5e équipe, là, tu sais. Fait que pour Lewis Hamilton, c'est un pilote extrêmement talentueux, hyper confiant, puis de loin la meilleure voiture en plus. Fait que moi, je vois pas de différence. La seule chose, c'est que Ferrari, peut-être, avec Leclerc, qui a monté le niveau un peu de ce côté-là, mais deux coques dans la même dans la même cage, comme on dit, des fois, ça donne plus de difficultés que d'autres choses. T'sais, Mercedes ont compris ça, fait que Hamilton a toujours un bon pilote à côté de lui, mais jusqu'à date, pas nécessairement du même niveau. OK. Pat, simplement, on va faire une pause. Je vais parler de Raphaël Lassant en deuxième moitié de saison, qui va faire un grand saut en NASCAR en truck. Également de Lance Stroll en deuxième moitié de saison en 2020. C'était l'écoute de la rétrospective de l'année en course automobile avec Patrick Carpentier. Pour vos idées cadeaux de Noël à prix abordable, le magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, c'est l'endroit à visiter. Le propriétaire Ken Bennett et tout le personnel souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercient de votre encouragement durant toute l'année. Le magasin Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 276-2385. Et n'oubliez pas de consulter notre circulaire chaque semaine. Vous avez besoin d'une bonne batterie pour la saison froide qui s'en vient? Eh bien, l'équipe de Batterie Expert saura bien vous conseiller. Nous avons des batteries pour tous les véhicules et pour tous les budgets. L'équipe de Batterie Expert désire également souhaiter de joyeuses fêtes à toute sa clientèle et les remercie de la confiance témoignée durant l'année. Batterie Expert, 757 Boulevard Vézina à Dolbeau-Mistassini, 418-979-7812. Toute l'équipe de Jean Dumas Hyundai souhaite joyeux Noël et bonne année à toute sa clientèle et à la population. Et pour vos différents besoins de véhicules neufs ou usagés, l'équipe de Jean Dumas Hyundai de Saint-Félicien vous conseillera avec le même professionnalisme et le sourire pendant la prochaine année. Jean Dumas Hyundai, 700 Boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, 418-679-4775. Et n'oubliez pas de visiter notre page Facebook pour nos nombreux spéciaux et les nouveautés dans les voitures d'occasion. En ce temps de réjouissance, Marc et Martin Lamontagne d'Excavation Dolbeau et son centre de récupération tiennent à vous souhaiter un joyeux temps des fêtes à toute sa clientèle et à tout leur personnel. Pour qui, c'est un peu la fête aussi, car ils célèbrent le 35e anniversaire de l'entreprise. Merci de la confiance et de l'encouragement que vous nous avez témoigné au cours de la dernière année, et il nous fera grand plaisir d'être là pour vous l'an prochain. Au nom des propriétaires et des employés d'Excavation Dolbeau et son centre de récupération, joyeux Noël et bonne année! Chez Dolbo Auto, on célèbre le temps des fêtes en grand avec le Silverado 1500 à 0% sur 72 mois et un rabais de 7 000 $ en valeur totale. Le Sierra 2019 à 0% sur 72 mois. Monsieur Stéphane Fortin et tout le personnel de chez Dolbo Auto souhaitent de joyeuses fêtes et une bonne année à toute la population et vous invite à la prudence pendant cette période. Dolbo Auto, 1770 boulevard Wahlberg, Dolbo Mistassini, 418-276-0580. On va parler, donc, avec, on est de retour avec Patrick Carpentier, c'est la revue de la rétrospective de la course automobile. Patrick, 2020 sera une année charnière pour Raphaël Lessard. Il fait le grand saut dans la série NASCAR Truck. T'as couru en NASCAR Truck, t'as couru une fois ou deux, je pense, hein, si tu me corriges, je me trompe. Oui, à Bristol, puis une couple de places. On a eu des problèmes mécaniques, malheureusement, mais oui, écoute, j'avais adoré ça. Pour Raphaël, c'est-tu une grosse marche à monter? Une marche à monter? Je pense qu'il va être excellent. Écoute, je pense que c'est un pilote. Okay. Oh, oui, je pense que c'est un pilote qui a énormément de talent. Écoute, à Bristol, quand il est allé, il faisait pas toutes les courses, il roulait une fois de temps en temps, il connaissait pas nécessairement la gang. À la fin, il était rendu top 5, puis il m'a dit, il montait, là, il restait moins d'une vingtaine de tours, puis d'après moi, il finissait top 5, top 3 si Ross Chastain ne sortait pas. Fait que ça, j'ai été vraiment impressionné de ça. C'est sûr que Bristol, c'est son circuit fétiche préféré, mais c'est le circuit qu'il connaît le plus. Mais par contre, à Dover, il a été premier pendant les essais, il a roulé top 10, dans la course, c'est plus difficile, mais ça, c'est normal. Tu sais, ça prend quelques années à s'adapter. T'sais, j'espère qu'il va y avoir deux saisons complètes pour avoir le temps vraiment de démontrer son talent, mais je pense qu'il va se prendre beaucoup de monde même la première année. Est-ce que tu penses qu'on pourrait le voir en Infiniti quelques courses? Écoute, j'aimerais ça. Pour le moment, on travaille avec IBS pour essayer de présenter les camionnettes. On aimerait vraiment ça. Je pense que ça vaudrait la peine. Surtout au Québec, c'est quoi le but de présenter la Xfinity quand un Québécois en camionnette? Fait qu'écoute, ADS travaille super fort là-dessus. C'est question d'entente contractuelle avec Fox, avec les États-Unis aussi. Donc, je sais pas si ça va être possible, mais on espère bien. T'sais. Mais moi, j'aimerais ça le voir une couple d'années en camionnette avant de monter en Xfinity pour au moins qu'il se donne le temps d'apprendre les circuits. Il y a beaucoup de trucs, beaucoup de technicalités. J'aimerais ça le voir une couple d'années là-dedans, si c'est possible. Si l'opportunité est en Xfinity, il va devoir monter. Mais tu sais, il peut monter une course ou deux pour voir c'est quoi. C'est pour ça que je t'attendais à ça. Là. Est-ce qu'on peut le voir une course ou deux en Infiniti cette année? Ça, j'aimerais ça, mais je pense pas que ça va se passer cette année. J'aimerais ça, mais moi, je vais te le dire, j'aimerais qu'il se concentre sur une série qui fait juste cette série-là. Puis qui domine. Oui, qui fait son focus soit vraiment sur une série. Pas commencer à faire la Xfinity, puis les camionnettes le même week-end. Puis il faut vraiment, moi, selon moi, qu'il se concentre. La fait qu'Alain Labrosse est maintenant son agent, tu l'as eu comme agent, Alain Labrosse, est-ce que ça peut y ouvrir des portes pour des sous? Parce que c'est toujours la maudite histoire de sous en course automobile. Là. Est-ce qu'Alain pourrait l'aider vraiment à trouver des bons commanditaires et l'aider à le propulser? Bien, c'est là que le défi va être, tu sais. Moi, je me rappelle, il travaillait avec Robert Desrosiers avant. Robert avait trouvé plusieurs commandites dans le temps qu'on commençait avec Komatsu, avec Kmart, un paquet de commandites à gauche, à droite, mais c'est hyper difficile. Écoute, je le sais, là, on l'a fait avec Ray Evernham, son équipe, puis toute la gang, ils ont essayé, même avec le Canadien, les commandites du Canadien, t'avais Best Buy, t'avais Stanley, t'en avais McDonald's qui faisait affaire au Canada, aux États-Unis, on a tout essayé, puis ça n'a pas fonctionné. Fait que ça, c'est hyper difficile. Est-ce qu'Alain va réussir? Je le souhaite bien. Moi, Alain, je l'ai toujours vu comme un excellent négociateur. Avec les équipes, avec les manufacturiers, peut-être qu'il va réussir à aller chercher des sous de Toyota, ça je le verrai, parce qu'il est très très bon pour négocier des affaires comme ça, mais pour aller chercher des commandites, écoute, je souhaite bien, mais ça va être une tâche difficile. Ok, dis-moi maintenant, il y aura un deuxième Canadien en F1 cette année, Nicolas Lafitte. C'est pas un, je pense qu'il était deuxième ou troisième en Formule 3, c'est la Ligue américaine du hockey, autrement dit, la Ligue américaine de la course automobile. C'est sûr que Lafitti s'en vient chez Williams, donc faut pas s'attendre à des miracles. Mais pour un jeune pilote comme Lafitti, c'est-tu impressionné de saisir sa chance avec Williams, une petite écurie, puis par la suite monter avec une grande écurie? Ben, écoute, ça va être difficile en F2. Il a eu des bons résultats. Je l'ai regardé tourner. Il a roulé en avant une couple de course, mais il n'a pas dominé. Okay. Tu comprends? Il était quand même dans une excellente équipe. Il manque pas de budget du tout. C'est un peu la même situation que Lance Stroll. Là, au niveau de la famille, c'est des gens qui sont très, très, très à l'aise de ce côté-là. Écoute, s'il rentre en F1 la saison prochaine, ça remonte un peu l'intérêt du côté de la F1, mais d'avoir un gars en arrière ou 5 gars qui roulent en arrière, c'est pas motivant vraiment non plus pour les spectateurs. Non, c'est non. Super cool parce que tu vas avoir 2 Canadiens qui vont être en F1, mais c'est pas Jacques Villeneuve chez Williams quand il était au top niveau et il se battait pour le championnat du monde. T'sais. Fait que de ce côté-là, je le souhaite bien, j'espère bien. Je pense pas que ça va amener de l'engouement comme ça se peut pas, là, à moins qu'ils se mettent à gagner, mais ça me surprendrait énormément chez Williams. OK. Tu t'attends à quoi du côté de la NASCAR en 2020? Ben écoute, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Beaucoup de changements au niveau des courses, où ils sont présentés, comment la finale va être à Phoenix en Arizona. Je pense que la pré-finale, la dernière course en finale, c'était à la Vegas. Ça va mettre beaucoup de pression de ce côté-là. Mais NASCAR sont vraiment focus, comme la F1 d'ailleurs. Cette année, j'appelle ça une année de transition où les équipes investiront pas énormément au niveau des bolides parce que 2021 s'en vient. Ils commencent à toucher aux bolides. Ils commencent à voir les voitures. Puis, écoute, elle est tellement belle la NASCAR de 2021. Là, plus il y a la peaufine, plus il l'arrange. C'est un beau look. Puis une voiture, je pense qu'ils vont nous donner encore plus d'action. T'sais, je sais que Logano a travaillé beaucoup cet hiver au niveau de la voiture. Mais cette année, écoute, je m'attends à peu près à du pareil à ce qu'on a vu l'an passé. Puis c'était une excellente saison. Fait qu'on va voir ce que ça va donner, mais on regarde autant la F1, autant le NASCAR, on regarde beaucoup du côté de 2021. OK. Patrick, il me reste qu'à te remercier beaucoup, beaucoup pour ta précieuse collaboration encore une fois. Je te souhaite de joyeuses fêtes. Bonne année avec ta petite famille. Puis beaucoup de santé, c'est ça qui est important. Puis beaucoup de nouvelles maisons de construction également. Parce que t'as une idée. Toi aussi, mon ami. Merci beaucoup. C'est une autre passion qui m'habite comme le sport automobile. Fait que, écoute, anytime, puis on se reprend. Puis bonne fête, joyeuse fête à toi. Merci beaucoup, Patrick Carpentier, notre collaborateur de course automobile.